Chapitre 8. Oiseaux des mers. Comment utiles à l'homme. Que les migrations des oiseaux servaient de calendrier aux laboureurs dans les anciens jours. Les oies, les sarcelles, les canards, étant de races domestiques, habitent partout où il peut y avoir des hommes. Les navigateurs ont trouvé des bataillons innombrables de ces oiseaux jusque sous le pôle antarctique et sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Nous en avons rencontré nous-mêmes des milliers, depuis le golfe Saint-Laurent jusqu'à la pointe de l'isthme de la Floride. Nous vîmes un jour, aux Açores, une compagnie de sarcelles bleues, que la lassitude contraignit de s'abattre sur un figuier. Cet arbre n'avait point de feuilles, mais il portait des fruits rouges, enchaînés deux à deux comme des cristaux. Quand il fut couvert de cette nuée d'oiseaux, qui laissaient pendre leurs ailes fatiguées, il offrit un spectacle singulier. Les fruits paraissaient d'une pourpre éclatante sur les rameaux ombragés, tandis que l'arbre, par un prodige, semblait avoir poussé tout à coup un feuillage d'azur. Les oiseaux de mer ont des lieux de rendez-vous où ils semblent délibérer en commun des affaires de leur république. C'est ordinairement un écueil au milieu des flots. Nous allions souvent nous asseoir dans l'île Saint-Pierre, sur la côte opposée à une petite île que les habitants ont appelée le Colombier, parce qu'elle en a la forme et qu'on y vient chercher des œufs au printemps. La multitude des oiseaux rassemblés sur ce rocher était si grande que souvent nous distinguions leurs cris pendant le mugissement des tempêtes. Ces oiseaux avaient des voix extraordinaires, comme celles qui sortaient des mers. Si l'océan a sa Flore, il a aussi sa Philomèle. Lorsqu'au coucher du soleil, le courlis siffle sur la pointe d'un rocher et que le bruit sourd des vagues l'accompagne, c'est une des harmonies les plus plaintives qu'on puisse entendre. Jamais l'épouse de Céix n'a rempli de tant de douleurs les rivages témoins de ses infortunes. Une parfaite intelligence régnait dans la République du Colombier. Aussitôt qu'un citoyen était né, sa mère le précipitait dans les vagues, comme ces peuples barbares qui plongeaient leurs enfants dans les fleuves pour les endurcir contre les fatigues de la vie. Des courriers partaient sans cesse de cette tire avec des gardes nombreuses qui, par ordre de la Providence, se dispersaient sur les mers pour secourir les vaisseaux. Les uns se placent à 40 ou 50 lieues d'une terre inconnue et deviennent un indice certain pour le pilote qui les découvre flottant sur l'onde comme les bouées d'une ancre. D'autres se cantonnent sur un récif et, sentinelles vigilantes, élèvent pendant la nuit une voix lugubre pour écarter les navigateurs. D'autres encore, par la blancheur de leur plumage, sont de véritables phares sur la noirceur des rochers. Nous présumons que c'est pour la même raison que la bonté de Dieu a rendu l'écume des flots phosphoriques et toujours plus éclatante parmi les brisants en raison de la violence de la tempête. Beaucoup de vaisseaux périraient dans les ténèbres sans ces fanaux miraculeux allumés par la Providence sur les écueils. Tous les accidents des mers, le flux et le reflux, le calme et l'orage, sont prédits par les oiseaux. La mauve descend sur une grève, retire son cou dans sa plume, cache une patte dans son duvet et, se tenant immobile sur l'autre, avertit le pêcheur de l'instant où les vagues se lèvent. L'alouette marine, qui court le long du flot en poussant un cri doux et triste, annonce au contraire le moment du reflux. Enfin, les procellaria s'établissent au milieu de l'océan. Compagnes des mariniers, elles suivent la course des navires et prophétisent la tempête. Le matelot leur attribue quelque chose de sacré et leur donne religieusement l'hospitalité quand le vent les jette à bord. C'est de même que le laboureur respecte le rouge-gorge qui lui prédit les beaux jours, et c'est ainsi qu'il les reçoit sous son toit de chaume pendant les rigueurs de l'hiver. Ces hommes malheureux, placés dans les deux conditions les plus dures de la vie, ont des amis que leur a préparés la Providence. Ils trouvent, dans un être faible, le conseil ou l'espérance qu'ils chercheraient souvent en vain chez leurs semblables. Ce commerce de bienfaits entre de petits oiseaux et des hommes infortunés est un de ces traits touchants qui abondent dans les œuvres de Dieu. Entre le rouge-gorge et le laboureur, entre la procellaria et le matelot, il y a une ressemblance de mœurs et de destinées tout à fait attendrissante. Oh, que la nature est sèche, expliquée par des sophistes! Mais combien elle paraît pleine et fertile au cœur simple qui n'en recherche les merveilles que pour glorifier le Créateur! Si le temps et le lieu nous le permettaient, nous aurions bien d'autres migrations à peindre, bien d'autres secrets de la Providence à révéler. Nous parlerions des grues des Florides, dont les ailes rendent des sons si harmonieux et qui font de si beaux voyages au-dessus des lacs, des savanes, des cyprières et des bocages d'orangers et de palmiers. Nous montrerions le pélican des bois, visitant les morts de la solitude, ne s'arrêtant qu'aux cimetières indiens et aux monts des tombeaux. Nous rapporterions les raisons de ces migrations, toujours relatives à l'homme. Nous dirions les vents, les saisons que les oiseaux choisissent pour changer de climat, les aventures qu'ils éprouvent, les obstacles qu'ils ont à surmonter, les naufrages qu'ils font, comment ils abordent quelquefois loin du pays qu'ils cherchent, sur des côtes inconnues, comment ils périssent en passant sur des forêts embrasées par la foudre, ou sur des plaines où les sauvages ont mis le feu. Dans les premiers âges du monde, c'était sur la floraison des plantes, sur la chute des feuilles, sur le départ et l'arrivée des oiseaux que les laboureurs et les bergers réglaient leurs travaux. De là, l'art de la divination chez certains peuples. On supposa que les animaux qui prédisaient les saisons et les tempêtes ne pouvaient être que les interprètes de la divinité. Les anciens naturalistes et les poètes, à qui nous sommes redevables du peu de simplicité qui reste encore parmi nous, nous montrent combien était merveilleuse cette manière de compter par les fastes de la nature, et quel charme elle répandait sur la vie. Dieu est un profond secret. L'homme, créé à son image, est pareillement incompréhensible. C'était donc une ineffable harmonie de voir les périodes de ses jours réglées par des horloges aussi mystérieuses que lui-même. Sous les tentes de Jacob ou de Boaz, l'arrivée d'un oiseau mettait tout en mouvement. Le patriarche faisait le tour de son champ à la tête de ses serviteurs, armés de faucilles. Si le bruit se répandait que les petits de l'Alouette avaient été vus voltigeant, à cette grande nouvelle, tout un peuple, sur la foi de Dieu, commençait avec joie la moisson. Ces aimables signes, en dirigeant les soins de la saison présente, avaient l'avantage de prédire les vicissitudes de la saison prochaine. Les oies et les sarcelles arrivaient-elles en abondance? On savait que l'hiver serait long. La corneille commençait-elle à bâtir son nid au mois de janvier? Les pasteurs espéraient en avril les roses de mai. Le mariage d'une jeune fille au bord d'une fontaine avait-elle rapport avec l'épanouissement d'une plante? Et les vieillards, qui meurent ordinairement en automne, tombaient avec les glands et les fruits mûrs. Tandis que le philosophe, tronquant ou allongeant l'année, promenait l'hiver sur le gazon du printemps, le laboureur ne craignait point que l'astronome qui lui venait du ciel se trompât. Il savait que le rossignol ne prendrait point le mois des frimas pour celui des fleurs, et ne ferait point entendre au solstice d'hiver les chansons de l'été. Aussi les soins, les jeux, les plaisirs de l'homme champêtre étaient déterminés non par le calendrier incertain d'un savant, mais par les calculs infaillibles de celui qui a tracé la route du soleil. Ce souverain régulateur voulut lui-même que les fêtes de son culte fussent assujetties aux simples époques empruntées de ses propres ouvrages. Et, dans ses jours d'innocence, selon les saisons et les travaux, c'était la voix du zéphyr ou de la tempête, de l'aigle ou de la colombe qui appelait l'homme au temple du dieu de la nature. Nos paysans se servent encore quelquefois de ces tables charmantes où sont gravés les temps des travaux rustiques. Les peuples de l'Inde en font le même usage, et les nègres et les sauvages américains gardent cette manière de compter. Un séminole de la Floride vous dit: la fille s'est mariée à l'arrivée du colibri. L'enfant est mort quand la non-pareille a mué. Cette mère a autant de fils qu'il y a d'eux dans le nid du pélican. Les sauvages du Canada marquent la sixième heure du soir par le moment où les ramiers boivent aux sources, et les sauvages de la Louisiane par celui où l'éphémère sort des eaux. Le passage des divers oiseaux règle la saison des chasses, et le temps des récoltes du maïs, du sucre d'érable, de la folle avoine, est annoncé par certains animaux qui ne manquent jamais d'accourir à l'heure du banquet. Chapitre 9. Quadrupèdes. Les migrations sont plus fréquentes dans la classe des poissons et des oiseaux que dans celle des quadrupèdes, à cause de la multiplicité des premiers et de la facilité de leur voyage à travers deux éléments qui enveloppent la terre. Il n'y a d'étonnant que la manière dont ils abordent sans s'égarer au rivage qu'ils cherchent. On conçoit qu'un animal, chassé par la faim, abandonne le pays qu'il habite, en quête de nourriture et d'abri. Mais conçoit-on que la matière le fasse aller ici plutôt que là, et le conduise, avec une exactitude miraculeuse, précisément au lieu où se trouve cette nourriture et cet abri. Pourquoi connaît-il les vents et les marées, les équinoxes et les solstices? Nous ne doutons point que si les races voyageuses étaient un seul moment abandonnées à leur propre instinct, elles ne périssent presque toutes. Celles-ci, en voulant passer dans les latitudes froides, arriveraient sous les tropiques. Celles-là, en comptant se rendre à la ligne, se trouveraient sous le pôle. Nos rouges-gorges, au lieu de traverser l'Alsace et la Germanie en cherchant de petits insectes, deviendraient eux-mêmes, en Afrique, la proie de quelque énorme scarabée. Le Groenlandais entendrait une plainte sortir des rochers et verrait un oiseau grisâtre chanter et mourir. Ce serait la pauvre Philomèle. Dieu ne permet pas de pareilles méprises. Tout a ses convenances et ses rapports dans la nature. Aux fleurs, les zéphyrs, aux hivers, les tempêtes, au cœur de l'homme, la douleur. Les plus habiles pilotes manqueront longtemps le port désiré avant que le poisson se trompe sur la longitude du moindre des écueils de l'abîme. La Providence est son étoile polaire, et quelque part qu'il se dirige, il aperçoit toujours cet astre qui ne se couche jamais. L'univers est comme une immense hôtellerie où tout est en mouvement. On en voit sortir, on y voit entrer une multitude de voyageurs. Il n'y a peut-être rien de plus beau dans les migrations des quadrupèdes que les bisons à travers les savanes de la Louisiane et du Nouveau-Mexique. Quand le temps de changer de climat est venu pour aller porter l'abondance à des peuples sauvages, quelques buffles, conducteurs des troupeaux du désert, appellent autour de lui ses fils et ses filles. Le rendez-vous est au bord du Mechasebe. L'instant de la marche est fixé vers la fin du jour. La troupe s'assemble, le moment arrive. Le chef, secouant sa crinière, qui pend de toutes parts sur ses yeux et ses cornes recourbées, salue le soleil couchant en baissant la tête et en élevant son dos comme une montagne. Un bruit sourd, signal du départ, sort en même temps de sa profonde poitrine. Et tout à coup, il plonge dans les vagues écumantes, suivi de la multitude des génisses et des taureaux qui mugissent d'amour après lui. Tandis que cette puissante famille de quadrupèdes traverse à grand bruit les fleuves et les forêts, une flotte paisible, sur un lac solitaire, vogue en silence à la faveur des zéphyrs et à la clarté des étoiles. De petits écureuils noirs, après avoir dépouillé les noyés du voisinage, se sont résolus à chercher fortune et à s'embarquer pour une autre forêt. Aussitôt, élevant leur queue et déployant au vent cette voile de soie, la race hardie tente fièrement l'inconstance des ondes, pirates imprudents que l'amour des richesses transporte. La tempête se lève, la flotte va périr. Elle essaye de regagner le havre prochain, mais quelquefois une armée de castors s'oppose à la descente, dans la crainte que ces étrangers ne viennent piller les moissons. En vain, les légers escadrons débarqués sur la rive se sauvent en montant sur les arbres et insultent du haut de ses remparts à la marche pesante des ennemis. Le génie l'emporte sur la ruse. Des sapeurs s'avancent, minent le chêne et le font tomber avec tous ses écureuils comme une tour chargée de soldats abattus par le bélier antique. Il arrive bien d'autres malheurs à nos aventuriers, qui s'en consolent avec quelques fruits et quelques jeux. Athènes, prise par les lacédémoniens, n'en fut ni moins aimable ni moins frivole. En remontant la rivière du Nord, sur le paquebot de New York à Albany, nous vîmes un de ces infortunés qui essayait inutilement de traverser le fleuve. On le retira de l'eau à demi noyé. Il était charmant, d'un noir d'ébène, et sa queue avait deux fois la longueur de son corps. Il fut rendu à la vie, mais il perdit la liberté. Une jeune passagère en fit son esclave. Les reines du nord de l'Europe, les caribous et les orignaux de l'Amérique septentrionale, ont leur temps de migration toujours correspondant aux besoins de l'homme. Il n'y a pas jusqu'aux ours blancs de Terre-Neuve, dont la fourrure est si nécessaire aux Esquimaux, qui ne soient envoyés à ces sauvages par une providence miraculeuse. Ces monstres marins abordent aux côtes du Labrador, sur des glaces flottantes ou sur des débris de navires, où ils se tiennent comme de forts matelots sauvés du naufrage. Les éléphants voyagent aussi en Asie. La terre tremble sous leurs pas, et cependant il n'y a rien à craindre. Chaste, intelligent, sensible, Behemoth est doux parce qu'il est fort, paisible parce qu'il est puissant. Premier serviteur de l'homme, et non son esclave, il tient le second rang dans l'ordre de la création. Après la chute originelle, les animaux s'éloignèrent du toit de l'homme. Mais on pourrait croire que les éléphants, naturellement généreux, se retirèrent avec le plus de regret, car ils sont toujours restés aux environs du berceau du monde. Ils sortent de temps en temps de leur désert et s'avancent vers un pays habité, afin de remplacer leurs compagnons morts sans se reproduire au service des fils d'Adam.